Le jour se lève, l'ombre s'efface. Rider skie l'avant, fier dans l'espace. La forêt respire, le vent caresse. Le combat s'annonce plein de promesses. Les feuilles brûlent sous ses pas. Une nouvelle lutte commence déjà. Les bases se dressent, solides et fières. La team s'organise, prête à faire taire les ennemis rôdant, mais rien ne cède. Dans ce monde sauvage, la loi est rude. Chaque pas résonne, chaque geste compte. Le grind est dur, la foi monte. Les étoiles s'effacent sous la lumière. Rider skie chante sans jamais se taire. Le travail continue, le feu grandit. Dans la forêt dense, l'espoir ruit. Le vent porte nos voix unies, portant chaque jour une bataille, chaque nuit une prière. Dans Russe la survie éclaire la lumière. Nos voix s'élèvent fortes et fières, unies à jamais, défiant la assaut, les pièges claquent, les murs font le poids, les raids grondent, le feu éclaire, la team résiste fière et sincère, les visages fatigués mais pleins de rage, portent l'espoir page après page. Les cœurs battent en rythme dans la nuit, les voix s'élèvent unies pour la survie. Chaque combat renforce la foi, dans cette lutte on tient la voix sous la pluie. Ou dans le vent glacé, la force persiste, jamais cassée. Le vent s'élève, les tambours battent, nos voix s'entrelacent, la foi éclate, le combat s'intensifie. La lumière guide dans cette nuit, la légende décide. Le grind continue, la bataille s'enflamme. Riders qui crient, rallume la flamme, la team avance. Fortes et fières dans cette guerre, rien ne les défaire. Les bases tiennent, solides et claires. Chaque victoire est une lumière. Le calme revient, la nuit s'apaise, mais la vigilance jamais ne cesse. Chaque étoile éclaire la voie. Dans cette forêt, la force est loin. La flamme brûle, jamais ne s'éteint. Riders qu'il sourit, prêt à repartir. Dans ce sanctuaire, la lutte va grandir. Les sabots frappent, la forêt gronde, les voix s'élèvent, défiant la ronde. Riders qu'il mène, la team suit dans cette lutte. Rien ne fuit, la victoire approche, la guerre persiste. Dans ce monde sauvage, rien ne résiste. L'ombre du matin éclaire nos combats. Riders qu'il guide, la